Au moment où le baron rentra, il trouva donc sa famille au complet, car la baronne avait officiellement salué le comte de Steinbock du nom de fils et fixé, sous la réserve de l'approbation de son mari, le mariage à quinzaine. Aussi, dès qu'il se montra dans le salon, le conseiller d'État fut-il entouré par sa femme et par sa fille, qui coururent au-devant de lui, l'une pour lui parler à l'oreille et l'autre pour l'embrasser. « Vous êtes allée trop loin en m'engageant ainsi, madame, » dit sévèrement le baron. « Ce mariage n'est pas fait, » dit-il en jetant un regard sur Steinbock qu'il vit pâlir. Le malheureux artiste se dit « Il connaît mon arrestation. » « Venez, enfant, » ajouta le père en emmenant sa fille et le futur dans le jardin. Et il alla s'asseoir avec eux sur un des bancs du kiosque rongé de mousse. « Monsieur le comte, aimez-vous ma fille autant que j'aimais sa mère ?» demanda le baron à Venceslas. « Plus, monsieur, » dit l'artiste. La mère était la fille d'un paysan et n'avait pas un liard de fortune. « Donnez-moi mademoiselle Hortense telle que la voilà, sans trousseau même. »« Je vous crois bien, » dit le baron en souriant. « Hortense est la fille du baron Hulot d'Hervy, conseiller d'État, directeur à la guerre, grand officier de la Légion d'honneur, frère du comte Hulot, dont la gloire est immortelle et qui sera sous peu maréchal de France. Et elle a une dot. « C'est vrai, » dit l'amoureux artiste, « je parais avoir de l'ambition, mais ma chère Hortense serait la fille d'un ouvrier que je l'épouserai. » « Voilà ce que je voulais savoir, » reprit le baron. « Va-t'en, Hortense, laisse-moi causer avec monsieur le comte. Tu vois qu'il t'aime bien sincèrement. »« Oh, mon père, je savais bien que vous plaisantiez, » répondit l'heureuse fille.